50 languages. 95. 95. الربط رقم 2. Conjonction 2. Conjonction 2. منذ متى لم تعد تعمل؟ Depuis quand ne travaille-t-elle plus? Depuis quand ne travaille-t-elle plus? منذ زواجها. Depuis son mariage? Depuis son mariage? نعم, لم تعد تعمل منذ أن تزوجت. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. Oui, elle ne travaille plus depuis qu'elle s'est mariée. منذ أن تزوجت لم تعد تعمل. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille plus. منذ أن تعرف هما سعيدان. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. Depuis qu'ils se connaissent, ils sont heureux. منذ أن رزقا بأطفال لا يخرجان إلا نادرا. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. Depuis qu'ils ont des enfants, ils sortent rarement. متى تتصل بالهاتف؟ Quand téléphone-t-elle? Quand téléphone-t-elle? أثناء قيادتها السيارة. Pendant le trajet? Pendant le trajet? نعم إنها تتصل وهي تقود السيارة. Oui, en conduisant. Oui, en conduisant. تتصل بالهاتف بينما تقود السيارة. Elle téléphone en conduisant. Elle téléphone en conduisant. إنها تشاهد التلفاز بينما تكوي. Elle regarde la télévision en repassant. Elle regarde la télévision en repassant. إنها تسمع الموسيقى بينما تكتب الوظائف. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. Elle écoute de la musique en faisant ses devoirs. لا أرى شيئاً دون النظارة. Je ne vois rien. Lorsque je n'ai pas de lunettes. Je ne vois rien lorsque je n'ai pas de lunettes. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى عالية. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. Je ne comprends rien quand la musique est trop forte. لا أشم شيئاً عندما أصاب بالزكام. Je ne sens rien. Lorsque j'ai un rhume. Je ne sens rien lorsque j'ai un rhume. عندما تمطر نستقل سيارة أجرة. Nous prendrons un taxi s'il pleut. Nous prendrons un taxi s'il pleut. سنسافر حول العالم عندما نربح في اليانصيب. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. Nous ferons le tour du monde si nous gagnons à la loterie. سنبدأ بتناول الطعام إن لم يأتي قريبا. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt. Nous commencerons le repas s'il n'arrive pas bientôt.